Je cherche pas de disque d'or, ni de million. Ça pue comme un pété à la Christian Dior. Si ça vend tant mieux, disperserai mes euros, histoire d'en rendre heureux. Donner dans mes couplets tout ce que je peux. Ce que je veux, c'est juste le minimum. Un ordinateur, j'ai tout ce qui va avec. Processeur, plug, micro, studio, amplificateur. Histoire d'éclater l'antipop quand j'ai la voix qu'il faut mettre. Tu veux savoir ce que je ressens dans mes couplets. Tu veux savoir avec qui je me suis accouplé. Et des guerres de MC connus sous le bras de Bac et des RK. Puis moi, car UBSK. Trois soldats qui se doivent éclater K. Pour les mecs d'en bas, je fonce dans le tas. Ça vient de Baka. 1, 3, 0, double 1, papa. Darkness, on s'aime, tu l'attends, papa. Bienvenue dans cette machine où les radios nous boycottent, où les médias détruisent le mouvement. Pour étouffer toute révolte, les producteurs soignent des cicatrices par le fric, remplacent l'école. Sont là que pour la récolte, les misogynes veulent les jackpot. La confusion est prise, l'autre propre pour se l'issue. On part le plus souvent pénu. La sortie de ce labyrinthe reste comme un combat à mes nues. Faut se battre tous les jours contre ces drames qui continuent. Faire valoir nos droits dans nos magazines et des concerts. Seulement une revendication, le seul plateau qu'on nous sert. Tant de groupes s'évaporent, disparaissent à les gens d'honneur. Pourtant on fait tellement de guerres qu'ils les ont réalisés dans l'horreur. A tous les MC, DJ et beatmaker. Là où le hip-hop perd du galon. Là où tu perces, que c'est dans le bras long. Au beatboxer, rappeur et breakdancer. Là où y'a trop de merde sous les talons. Où l'on combat pour montrer ce que nous valons. Encore un 11ème typique groove. Entre mêlés hardcore et typique cool. Il fait bouger ton living groove. On revendique style city ou cool. Pour un pur hip-hop authentique et non romantique. On ne parle pas de drames, des femmes et des femmes. Ils réclament qu'on leur crâne la poêle à la crâne. Là du droit qu'on les blâme. Car au jour d'aujourd'hui les produits qu'on nous fout de le tourne autour de cela. Les groupes de fils que le fils et les royalties. Image qui se généralise et qui se médiatise. J'ai Chris Darkness et mon 11 DST. Mec, à toi le choix d'aimer ou détester. Dans l'ombre on se pèle, on a trop les crocs et on ramasse à la pelle. Les faux MC, les faux stars qui mènent la paix. Oui, pas de constat ni d'Oscar. Brut et poster, atmosphère hardcore de crevard de clébard. Bar après bar, fume le beat comme un pétard. Vive la radio, les lions, les Tokyo Hotel. Pris au piège dans un pays qui piche que dalle. Welcome to the machine.